Congo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 21 novembre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Au moment où ce samedi, le parti CNDD-FDD clôture la semaine dédiée aux combattants, certains handicapés de guerre demandent au ministère de la Défense et des anciens combattants d'élaborer une loi régissant cette catégorie de la population. Ce ministère répond que les textes et les régissants existent. Et dans son analyse sur la mauvaise situation financière de l'ONATEL, telle que révélée au Premier ministre lors de sa rencontre avec les employés de cette entreprise cette semaine, un expert indépendant déclare que cet Office national des télécommunications a toujours manqué de leader dans un contexte de forte concurrence, vous l'entendrez. En actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande l'ouverture de couloirs humanitaires dans la région du Tigré en Éthiopie. Le Haut Commissariat pour les réfugiés prévient qu'une crise humanitaire à grande échelle s'y déroule. Et vous aurez aussi la revue de presse. Ce sera à la fin de ce journal, mise en onde par Innocent Yoniman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Certains handicapés de guerre demandent au ministère de la Défense et des anciens combattants d'élaborer une loi régissant cette catégorie de la population. Au moment où ce samedi, le parti CNDD-FDD clôture la semaine dédiée aux combattants, les handicapés de guerre du site de Karurama, au chef-lieu de la province Chivitoke, disent qu'ils font face aux difficultés énormes et ne sont pas soignés comme convenu. Suivez-les. On a installé des plaques solaires, mais ces dernières ne fonctionnaient plus. Nous dormons dans le noir. Vous voyez que nous sommes des handicapés. En se déplaçant pendant la nuit, il y a risqué de se cogner. Là, nous avons un sérieux problème, raison pour laquelle nous appelons les autorités à nous procurer de l'électricité. Autre chose, nous étions soignés 4 fois durant toute l'année, c'est-à-dire une fois chaque trimestre. Mais aujourd'hui, nous sommes soignés qu'une seule fois. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu ce changement. Nous appelons le gouvernement, le chef de l'État, à prendre cette question en main, car nous souffrons de maladies difficiles à soigner qui nécessitent des soins intensifs. Nous avons besoin de terre pour cultiver. On avait formulé cette demande à l'administration provinciale, mais nous attendons toujours la réponse. Ce que nous demandons aux autorités du pays, le chef de l'État y compris, c'est d'élaborer une loi qui devra nous régir, car nous nous sommes donné corps et âme à notre pays. Et en réaction, le ministère de la Défense et des anciens combattants affirme plutôt que l'assurance médicale chez les ex-combattants est garantie. Et concernant le texte régissant cette catégorie de gens, colonel Floribert Huire, qui est porte-parole de ce ministère, dit que ces lois ont été déjà mises en place. Toutefois, selon toujours cet officier de l'armée, leur mise en application nécessite une attention particulière. L'ONATEL, une société de télécommunications qui opère dans un secteur où la concurrence est atroce avec d'autres intervenants. Selon Faustin Dikoumana, expert indépendant, ils font un leader qui sait introduire des produits innovants pour étendre sa part du marché. Cette analyse de l'expert vient après une rencontre du Premier ministre Alain-Guillaume Wignoni avec les employés de cette société qui a vu sa production chuter de 50% durant la période 2015 à 2019. Il ajoute également que les institutions habilitées doivent surveiller le bon fonctionnement des entreprises publiques et donner des rapports annuels. Suivez-le au micro de Lydie Garimbare. Les entreprises publiques comme l'ONATEL, quand ils commencent à tomber en faillite, et l'analyse qu'on peut faire de cette situation. D'abord, l'ONATEL opère dans un secteur où la concurrence est atroce avec d'autres intervenants. Le secteur de la télécommunication maintenant contribue grandement au produit intérieur brut. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. Donc, il faut un leadership qui s'adapte à la situation de concurrence, qui sait anticiper, introduire des produits innovants pour que quand même ils continuent à opérer dans le secteur de façon concurrentiel pour étendre sa part du marché et avec ses produits innovants. Il faut une adaptation à la concurrence. En dehors de ça, les entreprises publiques ont toujours des difficultés dans des secteurs aussi dynamiques comme le secteur de la télécommunication. Deuxièmement, malheureusement, ces entreprises continuent à grossir des fois les charges de fonctionnement. Personnel pléthorique, surfacturation dans les marchés publics, approvisionnement des équipements défectueux ou d'équipements non conformes, par exemple, et le détournement des fonds de l'entreprise et la direction qui continue des fois, les managers qui donnent des primes ou des missions intempestives. Il faut voir comment réguler tout ça pour maîtriser ces charges de fonctionnement. Mais malheureusement, aussi là où le bas blesse, c'est que les instituts de contrôle semblent avoir été paralysés. Il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection générale de l'État. Au cas de Chamé Mirombusman, qui doivent faire des enquêtes régulières, produire des rapports annuels, là où l'argent du contribuable est en train d'être géré dans les institutions publiques, ils doivent intervenir et produire des rapports annuellement pour donner des instructions permettant à l'autorité compétente de prendre des mesures à temps. On ne comprend pas comment une entreprise peut être saignée à blanc pendant 5 ans, de 2015 à 2020, alors qu'on devrait intervenir à temps à partir de 2016-2017 pour redresser donc l'entreprise. Selon toujours Faustin Dikoumana, le gouvernement doit appliquer une loi différenciant les postes politiques des postes techniques pour les nominations afin que cette entreprise puisse être bien gérée. Il faut aussi un audit pour établir les responsabilités et voir comment y investir à nouveau. Un autre élément très important, c'est que le gouvernement doit vraiment appliquer la loi différenciant les postes politiques des postes techniques. Parce que si tout devient politique, si les nominations continuent à être tentées dans un aspect beaucoup plus politique, ça veut dire que les dirigeants, au lieu de s'atteler à produire les résultats, ils se sentent par un certain bouclier de leur parti politique. Et comme ça, ils se disent que même les élèves seront tolérés, seront les relations qu'ils ont avec telle ou autre autorité influente. J'imagine que dans l'urgence, il faut justement un audit très sérieux. Il faut que les entités de contrôle interviennent pour établir les responsabilités. Voir comment l'entreprise a été mal gérée, dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui. Et puis, il faut un plan de sauvetage. Des maisons d'experts doivent intervenir pour voir comment sauver, comment s'adapter à cette concurrence, revoir la structure du capital, surtout que ces entreprises publiques, à un certain moment, on avait demandé qu'ils commencent à être privatisées, voir comment augmenter la structure du capital et permettre aux privés, et justement, d'introduire des nouveaux capitaux pour que ces entreprises puissent être gérées de façon privée pour s'adapter à cette concurrence atroce. Sinon, je ne vois pas d'autres solutions, d'autres miracles pour sauver la nature. Faustin Dikoumana, expert économiste indépendant. La période post-électorale n'est pas le moment propice aux responsables des partis politiques de se déconnecter de leur base, mais plutôt de serrer les rangs cette fois-ci autour des activités de développement. C'est l'appel du président du Forum de dialogue permanent des partis politiques au terme des échanges avec les représentants des partis politiques à Muyinga ce vendredi. Les débats ayant tourné autour de l'assise de la culture de la démocratie. Dieudonné Nzeyimana. Durant des jours, les responsables des partis politiques et quelques membres des organisations de la société civile débattent autour de la démocratie procédurale et celle culturaliste. Occasion pour les uns de revenir sur l'état qui aurait émaillé les dernières élections. Phase dépassée, nous sommes dans le poste électoral. Les responsables des formations politiques doivent pourtant continuer la mobilisation cette fois-ci autour des projets de développement, selon Félicien Ndou Burundi, président du Forum de dialogue permanent des partis politiques. Nous avons remarqué que les différents partis politiques ne viennent pas souvent après les périodes de campagne électorale. Le forum aimerait que ces partis politiques ne viennent pas seulement ici à l'intérieur pour des périodes électorales, mais également pour orienter leur électorat et parler du développement, parler de l'augmentation de la production. Même son de cloche du côté de Cyprien Sinzo Touma, secrétaire provincial du CNDD-FDD. Après les élections, on prépare les futurs rendez-vous. La priorité du moment est que chaque bouche est de quoi bouffer. Même en tant que leader politique, si on cherche à s'occuper avec des activités de développement, on aura du mal à supporter les charges de nos familles, précise ce responsable du parti. Prosper Bizindavi, représentant le parti Sénéla Muyinga, trouve que même sans consensus, de tels débats permettent au moins de faire comprendre qu'en dépit des divergences, on appartient à la même nation. La rencontre a été organisée par le Forum des partis politiques en collaboration avec l'organisation Tugenderubuntu. Des représentants représentants des partis non membres du forum prennent aussi part au débat. Le président du forum précise que c'est parce que le ministère de l'Intérieur gère toutes les formations politiques et d'inviter ceux qui se sont retirés du forum à s'y engager de nouveau. Muyinga, Dieudonné Zeimana, Radio Isanganiro. Et certaines femmes de la ville de Kayanza faisant la menuiserie et la soudure affirment que ces activités leur permettent de contribuer au développement de leur ménage en particulier et du pays en général. Nyabenda Melchior, conseiller socioculturel du gouverneur à Kayanza, demande à cet effet aux organisations tant gouvernementales que non gouvernementales en charge de la promotion de la femme rurale d'appuyer davantage ces femmes, surtout en leur apprenant à élaborer des mini-projets de développement et à leur accorder des moyens pour leur réalisation. Patrick Saint-Guillaume. Certaines de ces femmes qui exercent les activités de menuiserie et de soudure dans la ville de Kayanza contactées, il y a par exemple la nommée Kubimana Charlotte, une quinquagénaire qui indique qu'il y a 12 ans qu'elle fait cette activité de soudure. Elle indique également que c'est son mari qui lui a appris son métier et qu'il est beaucoup bénéfique dans le développement de leur famille. Selon Mufason Charlotte, les revenus tirés de cette activité de soudure leur ont aussi permis de s'acheter une parcelle dans la ville de Kayanza, dans laquelle ils ont même construit une maison d'habitation, ajoute cette soudeuse. Une autre femme contactée, c'est Aline Kubimana, âgée de 30 ans, et qui fait la menuiserie. Cette menuisière fait savoir elle aussi que les moyens qu'elle gagne à partir de cette activité lui permettent de satisfaire certains des besoins fondamentaux dans sa famille. Et Mufason Charlotte, la soudeuse, et Kubimana Aline, la menuisière, toutes appellent les autres femmes à en découdre avec l'ancienne croyance selon laquelle la femme doit dépendre en tout de son mari. Lucinda Ishimie, représentante de l'association des femmes actrices de paix et de dialogue à Kayanza, salue cette initiative des femmes de cette province de contribuer dans le développement de leur ménage en particulier et de leur pays en général. Elle invite à cet effet les autres femmes à les prendre pour modèle. Melchior Nyabenda, conseiller socioculturel du gouverneur à Kayanza, demande aux organisations tant nationales qu'internationales en charge de la promotion de la femme rurale d'appuyer davantage les femmes, surtout sur les regroupements dans des coopératives. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Et la fraude transfrontalière persiste encore dans certaines localités de la province Kirundo, spécialement vers le Rwanda. Les chefs de colline situés sur les frontières risquent d'être considérés comme des fraudeurs s'ils ne dénoncent pas ces malfaiteurs. Ces chefs de colline regrettent toutefois le fait que ces fraudeurs sont des fois appréhendés, mais libérés tout de suite après. Abraham Safari. Les chefs de colline situés sur les frontières, surtout du Rwanda, sont mis en garde qui seront sanctionnés au même titre que les fraudeurs qui font le commerce transfrontalier illégalement. Albert Hatungimana, gouverneur de la province de Kirundo, signale que la commune de Nega vient en avant comme ayant beaucoup de commerçants qui pratiquent ce commerce illégal, surtout d'habits où plusieurs sacs ont été saisis et acheminés auprès du parquet de Kirundo. Pas seulement en commune de Nega, même en commune de Bugabira, surtout sur la colline de Kiri, le chef de colline Sabiman Eugène signale qu'il a appréhendé avec des jeunes du comité mixte de sécurité deux fois les fraudeurs dans ces deux derniers mois. Cependant, ce chef de colline signale qu'il s'inquiète de sa sécurité menacée, du moins à voir le comportement des familles de ces fraudeurs qui jurent se venger. Ici, il nous a fait savoir que maintes fois, il rencontre certains des membres de ces familles en train de faire des rondes nocturnes tout près de la maison du chef de colline lorsque ce dernier fait également son travail pendant la nuit. Rappelons qu'en commune de Bgambarangwe, le commerce illégal de minerais s'est remarqué ces derniers jours où plus de 160 grammes d'or ont été saisis. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Santé mentale maintenant. 4 à 6 personnes sur 10 ont des problèmes liés à la santé mentale selon une étude faite par le ministère de la Santé publique en 2019. Au moment où il y a peu d'hôpitaux ou médecins spécialisés dans ce domaine. Blaise Migabo, chargé des programmes au sein de l'Association des jeunes médecins et psychologues Village Health Action, l'a exposé ce samedi lors de l'atelier de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la santé mentale. Il demande à tous les intervenants dans le domaine de la santé ainsi que l'administration de travailler en synergie afin de trouver solution aux problèmes observés dans le secteur de la santé mentale. On l'écoute. On a réuni des médecins et des psychologues venant de différents secteurs parce que nous avons constaté qu'en fait, la plupart des fois, il y a des médecins ou des psychologues, surtout des médecins. Quand un malade va à l'hôpital ou dans un centre de soins, on a souvent tendance à considérer plus ses symptômes physique que c'est ces signes mentaux. Alors qu'il y a des maladies mentales qui vont se manifester par des signes physiques. L'autre chose, il y avait une étude qui avait été faite par le ministère de la Santé en 2019 qui avait montré 4 à 6 personnes sur 10 au Burundi avaient des problèmes liés à la santé mentale. Cela alors que les structures de soins ici au Burundi sont vraiment très minimes. On a presque un seul centre neuropsychiatrique avec des agences en Ngozi à Gitega. C'est vrai que c'est en train d'être étendu, mais c'est encore peu au vu de ces chiffres. Et les structures de psychologues aussi qui sont dans ces aides-là ne sont pas nombreuses. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour justement trouver solution à ce problème? Alors la première chose, ça commence dans l'entourage. Parfois, quand une personne a un problème mental, certains gens ont tendance à la discriminer. Alors qu'ils devraient l'aider. L'aider d'abord en essayant de l'écouter, de la comprendre et surtout de l'aider dans son parcours de recherche de soins. Et après, c'est aux professionnels de santé qui, dans leurs activités quotidiennes, ils prennent en compte aussi ce volet mental et n'est pas vraiment juste se focaliser sur le physique. Et en fait, c'est au pouvoir public, le ministère de la Santé, le gouvernement, de mettre plus de force dans le secteur de la santé mentale. D'ailleurs, le thème de cette année de la Journée mondiale de la santé mentale, c'était « Investir dans la santé mentale ». C'était Blaise Mingabo, chargé des programmes au sein de l'Association des jeunes médecins et psychologues Village Health Action, dont les propos ont été recueillis par Ornella Mucho. Plaider pour un éventuel amendement de la loi portant élection des conseils collinaires pour qu'au moins les 30% réservés à la femme soient totalement acquis, c'est l'une des voies que le Forum national des femmes trouve cruciale pour y parvenir. La secrétaire nationale de ce forum l'a dit ce vendredi en commune Vougizo de la province Makamba lors d'une réunion d'évaluation des élections collinaires de 2020 et adopté des stratégies pour se préparer aux élections de 2025. Jeanne Fayoguhora dit que le forum envisage continuer les sensibilisations visant à aider la femme à surmonter les difficultés qui souvent l'empêcheraient de se faire élire. Les détails avec notre correspondant Jérôme Hakizimana. Certaines de ces causes qui ont fait que la participation de la femme ne soit pas totale lors des récentes élections collinaires sont entre autres les travaux ménagers comme celles qui étaient présentes dans cette réunion l'ont d'ailleurs signalé. La secrétaire nationale du Forum des femmes l'a aussi précisé dans son allocution. Beaucoup de travaux ménagers, les grossesses, la gestion familiale, tout ça sont des blocages pour la femme. À cela s'ajoutent également certaines des anciennes croyances de la culture burundaise qui freine l'épanouissement de la femme rurale, a-t-elle martelé. Jeanne Fayoguhora souhaite qu'un éventuel amendement de la loi portant élection collinaire soit envisageable pour qu'au moins les 30% réservés pour les femmes soient totalement atteints. On va continuer à faire le plaidoyer auprès des décideurs politiques au haut niveau pour que la loi soit vraiment claire au niveau des élections collinaires. Parce que jusqu'à présent, les élections collinaires, c'est à titre indépendant. Ce qui handicape la représentativité de la femme. L'un des élus du peuple de cette province qui était présent dans cette séance tranquillise, honorable Antoine Manirabona, indique que l'amendement se fait par les instances habilitées. Toutefois, il signale qu'une fois le projet leur sera parvenu dans la chambre basse, il sera reconnaissant envers cette doléance. C'est au moment où les femmes sont représentées à 21% seulement au conseil collinaire en province de Makamba. Jérôme Akizimana depuis Makamba. Merci Jérôme. Et en actualité africaine et internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé vendredi l'ouverture de cloisons humanitaires pour venir en aide à la population prise au piège des combats dans la région éthiopienne du Tigré, regrettant que les autorités refusent toutefois toute médiation. Malheureusement, jusqu'à présent, a-t-il dit, il n'y a aucun accord des autorités éthiopiennes pour une médiation externe, a-t-il déploré en indiquant avoir multiplié les appels ces dernières semaines à des dirigeants en Afrique et dans le monde. Et en Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été libéré vendredi 20 novembre après 2 jours de garde à vue. Il avait été arrêté mercredi alors qu'il faisait campagne en amont de la présidentielle de janvier 2021. L'annonce de son arrestation a provoqué des manifestations mercredi qui ont été violemment réprimées par les forces de sécurité. Et selon un dernier bilan de la police, il y aurait 37 morts et plus de 45 blessés graves. Une violence dénoncée par les organisations de la société civile. Il est 13h15 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Innocent Bibonimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana, ne tournez pas le bouton. Tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Elie Nibel Nibigila me rejoint dans ce studio. vue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Une commémoration sélective, titre le journal Iwacu. Et c'est pour parler de certains héros oubliés au cours de la semaine dédiée aux héros de la lutte pour la paix et la démocratie. C'était du 16 au 21 novembre. Le parti CNDD-FDD et ses membres ont commémoré leurs combattants morts sur le champ de bataille, aujourd'hui enterrés en commune Manda, province Bubanza, rapportent nos confrères, qui notent une occasion pour le chef de l'exécutif de définir l'ennemi de Burundi et en encourager les Imbonerakure, la Ligue des Jeunes affiliée à son parti au pouvoir. Ceux qui critiquent les patrouilles des jeunes, parfois cités dans des rapports et déclarations sur le Burundi, sont des ennemis du pays. C'est notre président Évariste Ndayishimiye qui trouve qu'il s'agit du devoir constitutionnel. Mais un autre ennemi mentionné par le numéro 1 burundais et qu'il faut combattre, c'est la pauvreté, écrit cet hebdomadaire. En réaction, des anciens combattants trouvent que cette semaine est célébrée pendant que le combattant, surtout handicapé, a été oublié. Sans assistance ni soins de santé, déplore l'association des anciens combattants handicapés du CNDD-FDD. Pour l'association des anciens militaires, constituée par les anciens militaires de l'ancienne armée régulière, FAB, cette semaine des héros est sélective, commente dans les colonnes d'Iwachu Cassien Vizabigomba, président de cette association. Pour le parti Frodebu Nyakuri, cette journée devrait avoir un caractère national, tandis que le parti CNL considère que c'est une célébration destinée à une catégorie de gens et au parti CNDD de constater que c'est une démagogie, toujours dans les colonnes du journal Iwachu. Est-ce que la protection de la réserve naturelle de Rukambasi sera-t-elle bientôt renforcée? S'interroge la Nova. Elle est part de la réunion sur la protection de la réserve de Rukambasi tenue ce jeudi et qui a regroupé l'administration de la commune Nyanzarak et de la province Makamba, ainsi que la représentation de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE. Cette réunion, organisée par l'Organisation Conservation et Communauté de Changement, a également vu la participation de la police pour la protection civile, rapporte la Nova, qui note que c'est une réserve qui contient des gorilles attirant des touristes. Cependant, regrette notre confrère, cet écosystème est menacé de construction de particuliers. Revue de la presse. Burundi Echo évoque dans son éditorial la journée mondiale de l'entrepreneuriat et rappelle que cet événement a pour vocation d'inciter le plus grand nombre de personnes à exploiter leur esprit d'initiative et d'innovation au moyen d'activités locales, nationales et internationales. Notre confrère fait remarquer que les jeunes Burundais se lancent dans l'entrepreneuriat, non pas parce qu'ils sont motivés, mais parce que le contexte s'y prête. Burundi Echo constate qu'ils se retrouvent dans l'incapacité d'être embauchés et initie des activités génératrices de revenus à la va-vite, d'où la plupart des entrepreneurs ne franchissent pas la phase de démarrage. Pour cet hebdomadaire socio-économique, des mesures incitatives pour soutenir en gestion les entreprises, encore très fragiles, sont plus que nécessaires. Le Renouveau du Burundi publie dans son numéro du 19 novembre un entretien qu'il a eu avec le directeur général du bureau d'études, expertise et conseil en automobile sur les répercussions des accidents routiers sur la vie socio-économique. Pacifique Nsabimbona cite entre autres le handicap, l'arrêt des études pour les enfants quand l'accident emporte le chef de famille et quand le véhicule abîmé lors de l'accident était acheté grâce à un crédit bancaire et si le véhicule n'est pas assuré, des difficultés de pouvoir continuer à rembourser la dette se présentent. Et pour induire la participation citoyenne à la sécurité routière par la sensibilisation sur les conséquences des accidents de la route, M. Nsabimbona suggère toujours dans les colonnes du Renouveau qu'un cours sur la sécurité routière soit inséré dans les programmes d'enseignement. De la sorte, les apprenants pourront grandir avec des connaissances en matière de sécurité routière, rapporte son confrère. Les acteurs en éducation souhaitent que l'UNICEF élargisse ses zones d'intervention pour couvrir toutes les provinces afin que tous les enfants bénéficient de son appui au même niveau, écrit la voix de l'enseignant, qui fait remarquer que cette agence onusienne qui s'occupe des enfants intervient dans 8 provinces du Burundi. Pour l'année 2019-2020, poursuit cet hebdomadaire de l'éducation, les interventions étaient destinées au renforcement des capacités d'accueil de l'éducation préscolaire et à la remise en l'état des infrastructures démolies par les intempéries. Campagne zéro grossesse chez les élèves, titre l'agence burundaise de presse. Et c'est pour parler d'une campagne lancée jeudi 12 novembre par le programme conjoint Menyumenyeshe en matière de sensibilisation des adolescents et jeunes filles scolarisées sur la sexualité responsable. Selon le directeur provincial de l'enseignement technique et professionnel en province de Bururi, cité par l'ABP, avec l'arrivée de ce programme, le taux d'abandon scolaire causé par les grossesses en milieu scolaire a diminué, passant de 317 pour l'année scolaire 2015-2016 à 157 pour l'année scolaire écoulée. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Jean Bosco Nduwimana et Eline Bel Nibigira. Très bonne suite des programmes de votre station préférée. Revue de la presse.